Merci beaucoup, Sarah-Denise. Merci beaucoup, Figue de Chais. On va passer au son mystère et à son élucidation. Maybe you want to stay around. We have the mystery sound contest. Mm. So we will play it and you will maybe try to guess it. Et peut-être juste redire avant, donc Sarah-Denise jouera ce soir donc à 20h, si je ne me trompe pas. 20h, de 20h à 21h, donc des œuvres de Michael Ranta. Et donc elle sera en première partie seule, puis avec Eclecto pour la deuxième partie. Voilà. Donc le son mystère, d'abord le numéro de téléphone, 078 244 57 54. Appelez s'il vous plaît. Irish marriage, I had to hold a carriage, but you look sweet upon the feet of a bicycle built for two. Well, I didn't think I was going to get it. Alors, a-t-on une idée? A-t-on un appel? Pas d'appel pour le Pas moment. Pas d'appel. Non. Donc, peut-être... Peut-être quelqu'un autour de la table. Maybe so. Now we can. You can maybe give your explanation, if any. Of the mystery sound. Yeah. Which is not so mysterious. I can't believe I knew it. It's okay. Of course. Yeah. It's Charles Dodge. He's an American composer. Someone is calling. Ah. Oh, shoot. You just listen. Allô? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'appelle pour le son de mystère ou son mystérieux. C'est ça, oui, très bien. Alors, on vous écoute. Quelle est la proposition? En fait, au début, je pensais à un voice coder, genre le premier. Donc, du coup, j'ai un peu lu sur l'histoire de voice coder, mais je ne sais pas si c'est une orgue, peut-être. Donc, je dirais voice coder orgue, quelque part, entre tout ça. Ou drum machine. C'était bien essayé, mais c'est pas tout à fait ça. Merci beaucoup d'avoir essayé, et puis on va avoir la réponse dans pas longtemps. Trop bien. Adieu, merci. Au revoir. So Sarah, let's try again. Yeah. I don't know why I'm so embarrassed that I knew it. I'm like, all right. Yeah, it's Charles Dodge. Composer, I can't remember all the details, but he was working in the same building as speech researchers in the 70s, and so it's like really early computer technology. And he was teaching in a music school, and he said that he found the sounds that the speech researchers were making were more interesting than the music that he was hearing, and so he started working with these people and got someone to help him, and he was going in at night after all the speech researchers went home from their jobs and making this really funny music. So I let's say. Free meal. I teach a history of electronic music class. Yeah, so we had the right person. So let's just hear the real explanation. Oh, sorry. Salut à chez radio. Je crois que c'est la voix de mon grand-père. IBM 704, de Bell Labs. Il adorait pousser la chansonnette. C'était durant l'année 1961. Et c'était la toute première fois qu'un ordinateur chante une chanson avec une voix humaine. Je suis toujours très ému de l'entendre chanter comme ça. Voilà, donc c'était juste tout simplement la première fois qu'un ordinateur a chanté une chanson en dehors des sons musicaux. Et c'était en 1961, tout simplement. Et c'est aussi une chanson qu'on retrouve dans le film L'Odyssée de l'espace, 2001, L'Odyssée de l'espace, puisque l'auteur, en fait, du livre et du film, du texte, avait visité les usines IBM à ce moment-là où il y avait une démonstration de cette chanson en 1962. Et c'est comme ça qu'on retrouve HAL 9000 à la fin qui se fait débrancher. C'est la dernière chanson qu'il chante jusqu'à son extinction finale. Mais donc l'enregistrement est de 1961, c'est voilà, ça ? Exactement. Ouais. C'est cette première fois. Après, la chanson, elle est beaucoup plus ancienne. Elle date de 1892 de Harry Dacre. So the recording was 1961. Oh, really? And yeah, and it was made with an IBM 704. Mm-hmm. 704. Right? Yeah, that's it. Yeah. Okay. Eh bien, donc on peut passer maintenant à la chronique de terrain de Mélia Roger.